79e qaida bi nga xamne mom le sayyid salah ad-din tijani radhiyallahu anhu indi moy jurom ñaar fukkel be ak jurom ñeen moy ma awjaba a'zama al-amrayni bi khufufihi la yujibu ahwanahuma bi 'umumihi moy lepp ma awjaba a'zama al-amrayni bi khufufihi la yujibu ahwanahuma bi 'umumihi moy lepp ma awjaba lepp lo xamne day waral a'zama al-amrayni li gëna mag ci ñaari mbir bi khufufihi ci jagle manam particulièrement waral na li gëna mag ci ñaari mbir la yujibu du waral aw ahwanahuma liku li leen gëna ndaw manam bi ci gëna ndaw ci ñom ñaar yoy bi umumihi ci matale manam d'une manière générale lool manam kon lepp lo xamantene bu ñaari mbir nekké ni ba ci gëna mag daf ko waral du waral bu ci beaucoup gëna tuti d'une manière générale parce que la tax lam ko lam bu waralé le gëna mag mais particulièrement rek la ko waral ndax ay conditions particulières duko waral du waral li gëna tuti de manière générale lool la lool moy lan mu jox exemple mune fala yajibu ala zani at-ta'zir bil mulamasati wal mufakhadati fa inna a'zama al-amrayn wa huwa al-hadd qad wajaba manam du war ci ki nga xamantene mom moy aji ndialo ji manam xam nga en fait ki ndialo li war ci mom moy manam liñu li war ci ñu tek ko moy al hadd moy soor ñu door ko témer yari wala ñu door ko ay xeer ba mu dé bu fekente ne dafa amul jëkkeur wala amna jabar amon na jabar té musa sey ak mom waye c'est pas parce que dafa lalanté manam rayanté xam nga lool ndialo gu ndaw la ira manam goor ak jigen jox na tak sey amul sen digënté ñu fekk leen ñuy lalanté wala sen poj yi lalanté wala yu mel non loolu du tax ñu manam du tax ñu tek leen ak daan deeng du tax ñu tek leen ak daan kon gis nga manam li gëna mag moy lan moy ndialo bi acte sexuel bi ci bopam boba dañuy koor ñu duma leen wala ñu tek leen wala ñu door leen xeer bañ dé mais bu fekkante ne rayante ak yoy manam yu ndaw yoy bon yu ndaw mais en tout cas yoy rek la lolou du tax ñu indi len ci kanam juge bi de nga tek len manam du ko waral maintenant nak juge bi meun na gis ne effectivement ñu indi len def len lo xamantene wax ba ñu wax len lo xamantene yedd len ci kanam mbolo mi amal na dina jariñ peut-être muna wa khurujul manni la yujibul wudu fa innahu qad awjaba al-ghusl wa huwa a'zamu al-amrayn gennu manni du waral ak njapp gennu manni du waral ak njapp mais day waral lan ak cangay ñangi deg té cangay gogou moy cangay gogou moy bi gëna mag ci ñaari mbiri manam digënté sangu farata ak ñiapu cangay farata mo ci gëna mag and ak lolu gennu man ni yudd waral ñiap mais cangay farata lay waral kon mom lay waral particulièrement mais du waral ak ñiap parce que voilà d'une manière générale du ko waral voilà niki nonu ndialo tamit du waral ñu yedd la ak yoy bi mel non du ko waral et pourtant day waral li gëna mag wala deng wallahu ta'ala a'lam.